Frère, j'ai du flair, mais je suis pas Cyrano. Je suis un clébard qui est tombé sur un os. J'ai les papines couvertes de cire à mauve. Et je voudrais dire un mot, c'est pas Tiamo, ça pue comme dire à mort. Doit-on détruire un monde pour en bâtir un autre? On Cyrano pompe avant de te botter le cul. Mental et la force, les glaces dans le dos des cubes. T'es trop déçu parce qu'on marche toujours malgré les plaies. Tu dis qu'on est infréquentable, mais tu viens nous gratter des plaies. Ça crée des blèmes. Et puis ça se défile, saleté de fils de. On se pointe chez toi, force les volets, ensuite casse les vitres. Tentative d'homicide, on crame ton domicile. On est déjà loin quand les sirènes du comicifle. On est aussi rempli d'amour qu'on garde pour les gens qu'ils méritent. Mais elle donne le tournis la roue, voyant rouge les gens qui dérivent. Tant d'hystérie devant le flouze, y'a pas autant quand je glisse des rimes anti-hystérie. Je prends le 12 à bout portant, je vise terrible. Où sont les vrais, où sont les faux? J'suis comme perdu dans la fosse. T'as le bonjour de la rue, écoute sa voix, fais pas semblant, on fait les choses depuis l'époque. Où sont les vrais, où sont les faux? J'suis comme perdu dans la fosse. Encore des faces, des grâces outils, je peux pas changer du jour au lendemain. J'apprends à me canaliser. On a fait le tour des villes et de la street money. Seigneur El Khalif, on connaît le tarif. Et quoi qu'il arrive, j'ai plus aucun but. J'ai de mauvais réflexes, j'ai plus aucun respect pour toutes ces putes qui font preuve de finesse. Frérot, j'ai la niaque et la dalle, alors évite de braille, fais bien les pailles. Car mes lascars ne feront pas dans le détail. On aime les degrés, peu importe la météo dans la vie. Faut bombarder en gardant un œil dans le rétro. La traîtrise arrive le plus souvent d'un certain ami. Reste attentif, c'est plus douloureux quand c'est la mif qui te la mise. J'connais les gars opportuns. Putain de milieu, les baltringues qui portent plainte en essayant de jouer les nerveux. Si j'esquisse un sourire, y'aura de la haine derrière. Solo dans mon délire, avec aucun plan de carrière. Où sont les vrais, où sont les faux? J'suis comme perdu dans la fosse. T'as le bonjour de la rue, écoute sa voix. Fais pas semblant, on fait les choses depuis l'époque. Où sont les vrais, où sont les faux? J'suis comme perdu dans la fosse. On creuse notre trou, pas besoin de t'expliquer. Ces derniers temps j'escarpe les grottes à copains plastifiés. Pas de pitié pour les buts et les gratteurs de buzz. T'as aucun talent, t'es nul, t'es juste une bonne avaleuse. La bouche grande ouverte, prêt à bouffer leur foutre. À force de te faire baiser sans capote, t'en attrape des croûtes. Pour pouvoir la gagner, aucune dignité. Le taux de probabilité pour que tu perces. Prends le zéro pointé, mais qui sait. Lâche rien, sale chien, je te souhaite le bien. T'as nourri maintenant que t'as le bite plein. Tu nous bouffes la main, fucking clébard. Mental baisse bar, on te bébarre pour que t'as. J'allume un spar et je vais tomber mes cendres sur ta face. Quoi que l'on fasse, on sera toujours critiqué. Pour ça, j'écris des rimes avant tout. Pour la communauté, on s'allie entre nous. Pour les salir avant tout. Salut, je suis caché dans le bayou. Parmi les croques, les savants fous. Oh. Où sont les vrais, où sont les faux? J'suis comme perdu dans la fosse. T'as le bonjour de la rue, écoute sa voix. Fais pas semblant, on fait les choses depuis l'époque. Où sont les vrais, où sont les faux? J'suis comme perdu dans la fosse.